cité chez nous, il y a des milliers de personnes qui attendent 11 mois que le soleil donne. Mais leur raison de vivre est morte depuis si longtemps. Ils se demandent si un jour ils ont été vivants. Des milliers de fourmis, que plus rien n'étincelle, nourris de pâtes et visions, bercés au bruit des nouvelles dans la cité poubelle, sacrifiant à leur fièvre de confort et d'argent. Animaux, ciel et terre, nature et océan. Et comme chaque matin, j'apprendrai avec vous que l'amour est parti, qu'on l'a déguisé en loup-garou. Et comme chaque matin, j'apprendrai avec vous que l'amour est parti, qu'on l'a déguisé en loup-garou. En loup-garou. Cité chez nous, sur les bancs de l'école, y a la haine qui nourrit les placés sur la touche, les figurants s'enrôlent, la pesée des neurones à la mesure des faiseurs d'argent qui managent la charité comme un créneau payant. Et comme chaque matin, j'apprendrai avec vous que l'amour est parti, qu'on l'a déguisé en loup-garou. Et comme chaque matin, j'apprendrai avec vous que l'amour est parti, qu'on l'a déguisé en loup-garou. En loup-garou. À l'entrée du village, loin du fracas des hommes, y a ces stèles en cailloux où sont tenus les comptes de ceux qu'on abandonne. Ces espars de bois fleuris par quelques fous, où les vents de la nuit racontent un rendez-vous. Il y a très longtemps, dans la cité chez nous, un enfant est venu, il savait chasser les loups-garous. Il y a bien longtemps, mais les gens l'ont tué, ils l'ont déguisé en loup-garou. En loup-garou.